tous, c'est Tibulus, votre petit lutin de Noël. J'espère que tout le monde va bien. Vous savez, nous on fait un podcast, le podcast de l'Avent. Et c'est super parce que chaque jour, on ouvre une case. Et à la case du jour, il y a souvent des surprises, voire des bêtises. Nous sommes le 8 décembre. Qu'est-ce que c'est bien le 8 décembre? Noël se rapproche. Et quand Noël se rapproche, j'ai le sourire. Allez, on ouvre tout de suite cette case numéro 8. Ouh, elle est dure. Ah, parce qu'il doit y avoir sûrement une belle surprise. Ah, voilà. Oh, comment t'appelles-tu? Mais c'est moi, Matou. Ah, mais oui, tu es un habitué du podcast. Comment vas-tu? Bah, je vais super bien. Moi aussi, je trouve que le 8 décembre, c'est un super jour. Et d'ailleurs, pour ce 8 décembre, pour ce calendrier du 8 décembre, je vais vous raconter une de mes bêtises. C'était quand je m'étais introduit chez quelqu'un, dans une famille. Il y avait un beau feu dans une belle cheminée. Et on avait un paquet de chamallows. Et vous devinez tout de suite ce qu'on a fait. On a grillé des chamallows dans la cheminée. Mais il y en a un qui a pris feu et on a déclenché l'alarme incendie. Sauf que le truc, c'est que c'était à 3h du matin. Alors tu veux dire que toi, tu rentres chez nos petits amis et que tu t'installes tranquillou et que tu fais griller des chamallows et que c'est les chamallows qui grillent. C'est fou, ça. Bah, c'est le principe, quoi, des chamallows grillés et gris, non? Si, c'est le principe, mais pas de s'introduire chez les gens, hein, dis donc. On avait froid. Quand on aidait le Père Noël à distribuer les cadeaux, on est allé se réfugier dans la maison et faire griller des chamallows. Ah, c'est pas bête ce que tu dis. C'est vrai que nos petits amis peuvent accueillir les lutins qui travaillent, juste pour partager un petit verre de lait chaud ou un petit chamallow, mais gare à trop les griller. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, l'alarme a retenti et les gens, ils vous ont aperçu, du coup? Ou vous êtes partis à temps? Bah, dès qu'on a entendu l'alarme sonner, on est partis. Ok, donc vous avez gardé la magie de Noël, ils vous ont pas vu, et ils ont vu juste éventuellement les cadeaux. Vous avez eu le temps d'en déposer? Peut-être qu'on a déposé quelques chamallows grillés un peu partout, mais sinon c'est le Père Noël. Oui, c'est vrai, c'est le Père Noël qui vient ensuite déposer les cadeaux, vous voulez préparer. Bah, une histoire incroyable. T'as pas eu trop peur quand t'as entendu l'alarme? Bah, on n'était pas habitués à entendre autant de bruit, quoi. Pour nos petits amis, est-ce que tu peux faire le bruit de l'alarme? Ah, quand même, tes oreilles ont dû se boucher avec tout ce vacarme. Ça va mieux maintenant? Bah, ça m'a pas fait grand-chose, mais oui, sinon, j'entends très bien. Oui, c'est vrai que vous avez dû remarquer que les lutins ont des oreilles un peu en pointe. Ça nous donne une audition incroyable. Allez, merci, Matou, pour cette histoire. On vous dit à demain pour de prochaines aventures. À demain! Ding, ding, ding.